Là j'ai pris une location, j'ai mis un bras dans la caution. Comme un stérique, je suis tombé dans la potion. L'OVNI en 3 heures, il fait un gros son. J'ai encore mes sales habitudes, je traîne au quartier comme un con, j'embête encore les flics, j'arrive pas à grandir. J'arrête pas de le répéter, ils vont la sentir. J'aurais jamais assumé de vous mentir. Gros, les temps changent, j'ai vu que c'est danger. Pour une insulte maintenant, ça part de se venger. J'ai niqué ma béquille à force de pencher. Ramène ton MC, on va le trancher. Y'a peut-être des armes cachées sous le plancher. 2017, je me suis pas mélangé. Cœur vide, ça peut paraître étrange. J'ai vu des petits faire des temps pleins pour manger. Je vais sortir le grand jeu, grand jeune, soutien, fais pas le rageux. Et je rajoute, j'ai le toit panoramique, je fume un gros bang en regardant la pluie et les nuages. Je fais ce que je sais faire, c'est que quand je sors un son c'est fort. Je suis vraiment sincère, je fais des sons qui tuent sans effort. Yama à debout, je fais des zigzags sur la route. T'inquiète, on tient le coup, on ira à beaucoup de que coûte. Yama à debout. Calcule pas moi, je nique tout, je trace. Je lui ai même pas parlé, le paquet elle me touche cash. Elle rêve, à Dieu elle s'attache. Quoique quand elle me dit des mots doux, ça me touche. C'est pour mes cassos, pour mes batos. Qui partagent, qui font tourner l'album gratos. Bastos, bastos, c'est dramatique. Comme la fin de Narcos. Je suis avec ses vannes, médicadaires. Sous peu, vite fermé, on me dit qu'il n'y a pas d'air. Et qui dit qu'il n'y a pas d'armes dans le coffre arrière. On traîne le jour, la nuit, même quand il y a l'averse. Et vers 5h, on se retrouve à l'envers. Le soleil va se lever, il n'y a plus rien à faire. Et sur l'autoroute, j'ai croisé les gendarmes. Ils vont péter la crapulerie pendant que les gens dorment. Mon rap, c'est un genre d'art. Faut que j'en veuille, il faut que j'en donne. Je me retrouve devant le micro tard. Parce que dans mon jardin, je fais l'hélicoptère. Cortège pour le clip, j'ai croisé les motards. Je klaxonne et je faisais cracher le moteur. Yama à debout, je fais des zigzags sur la route. T'inquiète, on tient le coup, on ira à beaucoup de que coûte. Yama à debout. Thank you.